Et tous ces tambours qui frappent sur ton passage. Tous ces slogans sur des post-it qui participent au national tapage. Y'a toujours une tondeuse comme un bruit de fond dans ce pays qui fout les jetons. Mort à la sainte qui est en toi mon amour. Spiritualité gadget, les gens ont un prix, la solitude aussi. Votre attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les 106,6 MHz de Radio Campus et c'est l'heure d'Angle d'attaque, une émission proposée par les trois comités locaux de la métropole lilloise. ATTAC, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avec à l'antenne aujourd'hui, Christian, à qui je vole la place d'animation pour changer, René La Science, Didier Souffrant mais Vaillant, qui sera avec nous par téléphone, et Florent aux manettes. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? La rentrée des classes, c'est fait, mais la rentrée politique et sociale fait encore largement parler d'elle. Dernier sujet au menu, qui sera le premier de cette émission, le budget 2023. Toi qui t'es penché sur la question, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Christian ? Ah ben, pas mal de choses. Hein. D'abord, le budget, on va commencer comme ça, ça fait simple. C'est pas très différent de celui de 2022. Mais avec une nuance forte, il n'y a pas le quoi qu'il en coûte qui était dû effectivement au confinement et au Covid. Les priorités de budget 2033 de Macron 2 donc, sont les mêmes, c'est la même rengaine néolibérale. Hein. Maîtrise des dépenses publiques, baisse des impôts, accélération des réformes structurelles. Enfin, les mêmes priorités à quelques nuances près que je vais décliner. Eh bien, on commence par la maîtrise des dépenses publiques. Oui, le gouvernement prévoit un déficit de 5% du produit intérieur brut. C'est la même chose qu'en 2022. Et on sait que le projet est de revenir à 3% en 2027. On a tous compris que c'est bien le retour des critères de Maastricht qu'on avait un peu perdu de vue, précisément à cause du Covid. On était dans les 9% en 2021. Alors donc, maîtriser les dépenses publiques, ça veut dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc application dans le ministère, les grands ministères éduc, justice et emploi voient leurs crédits augmenter. Mais avec une nuance sérieuse, compte non tenu de l'inflation. Donc on peut pas très bien admettre cette situation. En tout cas, les ministères vont certainement galérer pour retrouver quelque chose qui soit à peu près dans les cordes. En termes d'emploi, le gouvernement prévoit 11 000 postes supplémentaires de fonctionnaires. Ça c'est curieux parce que on se dit mais c'est pas possible. Ben non, c'est pas vraiment possible. C'est pour 5 ans. Hein. Gabriel Attal, donc le ministre chargé des comptes publics, a remis les pendules à l'heure tout de suite en disant son objectif, la stabilité de l'emploi public sur le quinquennat. Donc 11 000, vous voyez, comprenez bien que on va laisser présager des diminutions de postes dans les années à venir, au mieux le remplacement des départs en retraite, et c'est même pas sûr du tout. Du coup, on part sur une diminution des dépenses publiques ? D'abord par une diminution des recettes. Il y a deux exemples pour moi significatifs. C'est la baisse des impôts pour les entreprises. C'est les impôts dits de production. Dénoncé de longue date par le MEDEF, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Au total, ça fait 8 milliards prévus pour 2 ans. D'ailleurs, j'en ai parlé à ce micro le mois dernier. Le montant de cet impôt est affecté aux collectivités locales. Donc imaginez que les maires, que ce soit dans l'opposition ou pas, sont ravis de cette mesure. Après, surtout, la disparition de la taxe d'habitation. Deuxième exemple que je trouve significatif, c'est le plan de relance, lancé en 2020 pour soutenir l'économie française à moyen terme. Ce plan voit ses crédits budgétaires passer d'un peu plus de 8 milliards d'euros. Donc on va diminuer cette somme. Et là, je trouve que c'est curieux, parce qu'on se souvient que le plan de relance a été lancé avec force communication au niveau européen. Hein. Rappelez-vous, c'est les 750 milliards dont il a été question avec 380 milliards, 360 milliards de subventions, ce qui était assez rare. Et le plan de relance en France, on en a fait un tabac monstrueux, puisqu'il y avait même des drapeaux sur les préfectures. Enfin, c'est d'autant plus curieux que le plan de relance, effectivement, est financé pas mal par l'Europe, à hauteur de 40%. Le plan de relance est annoncé effectivement pour 2021-2027, donc à hauteur de 100 milliards. Pour être tout à fait clair, plus question de quoi qu'il en coûte pour protéger l'économie, a d'ores et déjà annoncé Bruno Le Maire. Le ministre se refuse cette fois-ci à sortir du cadre budgétaire que la France s'est fixé auprès de Bruxelles. Je rappelle que la France doit présenter son budget dans le cadre du semestre européen, hein, 6 mois avant la présentation du budget en France. La France est à l'euro près, c'est un élément de langage repris en cœur par les médias. Avec ce budget, disent pas mal de commentateurs, on prend des risques, parce qu'il n'est pas question de mettre une poire pour la soif en cas de crise énergétique prolongée, ou j'allais dire de crise nucléaire, mais je le dis alors du coup. Donc voilà, c'est un projet dangereux. Et du coup, il faut mettre ça en rapport du contexte économique de ce qui se passe en ce moment en 2023. Voilà, ça c'est intéressant parce que le gouvernement pêcherait-il par optimisme? Il est bien le seul. Pour organiser son budget, Bercy, donc le ministère des Finances, on a un petit problème avec le téléphone, vous vous rendez compte. Pour organiser son budget, Bercy doit faire des prévisions. C'est son boulot, il fait des prévisions de croissance. Donc, par exemple, pour 2023, la croissance serait de 1%. Alors, j'ai été regarder les chiffres des autres, la Banque de France particulièrement. Eh ben, c'est pas tout à fait ça. Hein. La Banque de France est entre 0,8 et moins 0,5, avec des taux d'inflation compris respectivement entre 4,2% et 6,9%. La Barclays aussi avance un autre chiffre, qui est moindre que celui de l'État, c'est de 0,7%. En tout cas, pas en phase avec Bercy, ni l'un ni l'autre. Trop optimiste qui lui crut. Le contexte économique, c'est encore le bouclier tarifaire, le prix de l'électricité et du gaz qui sont maintenus en 2023, mais à un niveau moindre, toujours l'idée selon laquelle, quoi qu'il en coûte, hein, ce sera un niveau moindre que celui de 2022, sur hauteur de 16 milliards quand même de dépenses. Enfin, le gouvernement a mis une enveloppe de secours, non pas pour une catastrophe naturelle, mais pour d'autres problèmes de type flambée des prix, encore une fois, le carburant à la pompe, des choses comme ça. Alors, sur cette partie, je me dis aussi en conclusion, quand même, ces boucliers tarifaires, si on ajoute cette période, qui en ce moment même sont, pendant cette période, sont versées les différentes primes dites inflation, aide à la rentrée scolaire, etc. Tout ça nous fait dire, avec Martial Foucault de Sciences Po, nous fait dire que le système des primes n'est pas une politique sociale, même si elle satisfait pour le moment, bien sûr. Sa pérennisation augure mal l'avenir avec des réformes structurelles fortes comme l'assurance chômage dont on va parler et la retraite dont je vais parler tout de suite d'ailleurs, qui annonce de toute façon des baisses de pouvoir d'achat. Du coup, comme tu l'as annoncé, le deuxième actualité du moment, c'est la réforme des retraites qui revient a priori en force du côté du gouvernement. Oui, je voulais ajouter quand même que les gens attendent des salaires, pas des distributions de primes. Enfin, je sais bien que je suis hors sujet. Tu disais donc On parlait de la réforme Macron des retraites qui est retour. Ah oui, bien sûr. Bon, alors, ne négligeons pas que Macron tient à sa réforme des retraites. Tu parles du régime universel des retraites? Exactement. On va voir comment Macron entend se servir des retraites comme une source de réduction des dépenses publiques. On dirait qu'il a tout oublié, ce qui a fait débat il y a quelque temps. Et d'ailleurs, il ne parlait plus de retraite à point pour le moment. Il sait que c'est un sujet qui fâche. Oui, et il a bien compris que c'était pas si facile que ça à faire passer cette pilule. Et donc, voyons les chiffres d'abord qui fondent son argument. D'abord, inquiété. Faire peur, c'est une vieille méthode de la politique. Le système de retraite n'est pas en équilibre, il faut faire quelque chose et vite. Mais pour lancer sa réforme, avant la fin de son ultime quinquennat, il argue que le système actuel doit être en équilibre maintenant avec sa proposition forte, celle qui fait la presse en ce moment, les unes de la presse en ce moment, le passage de l'âge de la retraite à 65 ans en 2031. Objection, votre honneur, on ne peut pas sérieusement parler de déséquilibre ou de déficit. Le COR, le célèbre Conseil d'orientation des retraites que j'ai consulté, prévoit en effet que le système de retraite, excédentaire cette année à 3,2 milliards d'euros, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un déficit, verra son solde se dégrader, c'est vrai, sensiblement, mais c'est toujours des projections, je rappelle, dès 2023, soit 2 milliards d'euros, pour atteindre 12,5 milliards d'euros en 2027. Là, ce sont les chiffres importants, on est d'accord, en volume, c'est important, mais il faut quand même relativiser avec le chiffre total des dépenses de retraite, qui est à un peu plus de 325 milliards d'euros. On peut d'ailleurs rééquilibrer un peu, à peu de frais apparemment. Il y a un certain économiste que je vous conseille d'aller trouver sur le net, c'est Mathias Zemmour, qui dit, lui, ben, la correction à apporter se ferait, pour rééquilibrer les comptes, hein, se ferait pour une augmentation des cotisations de 2 euros pour les salariés, 2 euros pour les entreprises. À mon avis, on peut se tromper, mais ça doit être négociable. Mais ce n'est pas prévu par le gouvernement, donc on reste dans le rouge au moins jusqu'au milieu des années 2030. Le solde devrait redevenir positif à partir de 2035, en tout cas, c'est ce que dit le rapport du COR 2021. Et qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien on est complètement dans la science-fiction avec le COR. Hein. On va réfléchir jusque 2070. Pourquoi pas 2050 ou 2090 ? Non, c'est 2070, c'est comme ça. Le système de retraite pourrait être bénéficiaire dans le cas le plus favorable, celui où l'augmentation de la productivité serait de 0,2%, plus 0,2%. Mais vraiment déficitaire, dans une autre hypothèse de scénario, à moins 1,8%. Ce n'est pas des chiffres très optimistes, ça vient d'où tout ça ? Ah, alors, ça vient du COR, évidemment. Donc, il faut que j'explique, là, il faut prendre un peu de temps. Pour bâtir ces scénarios, le COR se base sur un certain nombre d'hypothèses, et la productivité en est une. Mais la productivité, elle est calculée relativement facilement dans la mesure où c'est le produit intérieur brut divisé par la population. Or, au moins, la population, on sait à peu près, sur une longue période, qu'elle est stable. Pourquoi ces chiffres ? Pourquoi cela ? Parce que le COR ne peut pas, évidemment, imaginer des découvertes scientifiques inconnues aujourd'hui, ou des catastrophes naturelles, ou pas. Enfin, bon, j'ai parlé de nucléaire tout à l'heure. Bon, donc, on est dans une situation plutôt stable dans les réflexions du COR. Les hypothèses de productivité, avec donc ce que je viens de dire, production et puis population, sont des réflexions des membres du COR. On trouve ça un peu court, beaucoup d'économistes qui critiquent violemment le COR pour ça. Mais il n'y a que le COR, en l'occurrence, qui fait des hypothèses pour la retraite jusqu'à 2070. Alors, donc, mettons que nous faisons confiance à l'aéropage que constitue le COR. Précisons utile, les scénarios du COR démarrent avec des chiffres du gouvernement en place. Hein. En l'occurrence, pour 2023, les chiffres optimistes, 1% de croissance, j'en ai parlé, et 5% de chômage. En termes, sur de ses prévisions, de ses réformes structurelles, le gouvernement prévoit un taux de chômage en 2027 de 5%. Or, le COR, dans ses prévisions antérieures, avait chiffré le chômage à 7% en 2032. Donc, ce qui signifie que les prévisions doivent s'ajuster par la modification de la productivité entre les deux dates, 2027 et 2032. Capiche ? Pas forcément. Bon, mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un artefact statistique. Bon, on essaie de combiner les trucs pour faire en sorte que ça passe. Pour arriver à l'équilibre, quoi. À peu près, oui. Les paramètres. C'est des questions de paramètres, évidemment. Je reviens à mes deux scénarios extrêmes. Plus 0,2% de productivité et moins 1,8% de productivité en 2070. Donc, un scénario optimiste. Alors, il y a quatre scénarios. Les deux, trois autres sont dans le rouge, hein, avec le moins 1,8% qui est vraiment en bas du tableau et qui plombe sérieusement les retraites. Donc, les deux autres sont des moyens termes. Alors, le COR explique pourquoi ce rouge France Info a lu l'explication dans le gros bouquin du corps. Deux points auprès des guillemets. Notre système sera déficitaire parce que le gouvernement prévoit la diminution du nombre de fonctionnaires. En faisant cela, il va réduire la somme totale des cotisations de retraite et les salaires des fonctionnaires. Et comme le nombre de bénéficiaires ne va pas changer, le déficit va se creuser. Merci pour tout. Merci France Info, en tout cas, d'avoir levé ce lièvre. Pour conclure, en gros, sur la distance 2023-2070, la prévision donne des retraites à la baisse. La réforme de la retraite à points devrait y contribuer largement. Le ministre des Finances l'explique sans ambiguïté. Nous mettrons en œuvre une réforme des retraites qui doit permettre de financer notre modèle de protection sociale. Nous refusons la solution de facilité qui serait d'augmenter les impôts. Nous estimons que la seule manière de financer la solidarité, de financer notre modèle de protection sociale, nos hôpitaux, attention, j'ai la Marseillaise qui voilà, nos crèches, nos collèges, nos lycées, nos universités, c'est d'avoir un volume de travail plus important dans notre pays. À défaut de faire payer les riches, on fait payer les salariés en faisant travailler plus. Plus longtemps. Bah oui, voilà, c'est précisément ça. Il a même été dit que les cotisations retraite pourraient financer autre chose que les retraites. Ce qui augure un grave problème sur le niveau des retraites, évidemment. Je précise que ça n'existe pas dans d'autres pays. Je laisse la parole à René dans une seconde. L'affectation des ressources, des retraites à autre chose que la retraite, ça n'existe pas dans les autres pays. René. Oui, je voulais dire, il y avait le projet de financer la dépendance. Voilà, peut-être aussi des choses qui n'ont rien à voir avec les retraites. En effet, j'allais le dire, le financement sur la dépendance, tu as raison, c'est effectivement, donc si on finance la dépendance, ça fait moins de pensions de toute façon, c'est arithmétique. Le problème pour Macron, c'est que c'est pas passé, cette idée de faire passer la retraite. Il y a une contestation de la méthode dans son propre camp. Puisque il était question, j'ai oublié un truc là, il était bien question de passer par le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Ah oui. Donc, Macron s'est planté là parce qu'il est tombé sur Bayrou, c'est assez rigolo quand même. Bayrou qui ne disait rien, il était, je rappelle qu'il préside au commissariat au plan où il se passe rigoureusement rien. Ici, c'est la même chose, on lui prévient qu'on va passer par le projet de loi de finances de la sécurité sociale et ça marche pas du tout, puisque il n'y a pas seulement le MoDem, il y a aussi Horizon, donc le truc de Bernard. Comment s'appelle Philippe? Édouard Philippe. Édouard Philippe, merci. Donc, tout le monde, dans son camp, ça va pas du tout. Donc, Macron tempère et laisse à sa première ministre le soin de considérer, de concerter. Ça, c'est drôle parce que la concertation, c'est pas une consultation, hein, quand même, le dire à un moment. Consulter, c'est recueillir préalablement des avis, des opinions. L'attitude de certains nombres d'acteurs, c'est donc une procédure que l'on met en place en amont de l'adoption d'un projet, dont une rédaction prévisoire existe quelquefois déjà, ou est en cours d'élaboration. Donc voilà, la concertation, ça vient du mot concert. Hein. Et donc ça veut dire que les gens vont se mettre d'accord et agir de concert. Ben voilà. Donc, c'est pas tout à fait la négociation. C'est pas tout à fait la consultation. C'est encore moins la négociation. Il s'agit de faire en sorte que il y a un accord entre tous. On ne va pas pouvoir parler d'un but commun. C'est pas du tout le cas. Et chaque parti le sait. C'est un consensus, en fait, non ? Ben, un consensus qui n'existera pas, de toute façon. Oui, qui n'interroge qu'une partie de la classe politique. Voilà. Moi, ça me rappelle aussi, alors je crois que c'était une déclaration de 2017 où Emmanuel Macron, candidat, disait que allonger le temps de travail n'avait pas de sens parce que le taux d'emploi des personnes juste avant la retraite était assez faible. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas un angle mort de cette réforme ? Oui, alors là, là aussi, j'ai regardé les statistiques de l'INSEE, j'ai regardé les statistiques de Statista. C'est la première statistique que j'ai trouvée. Donc, le taux d'emploi des 55-64 ans, donc c'est quand même une marge de 10 ans, quoi, hein, est de 53%. Et donc, pour aller vite, on ne travaille plus, c'est-à-dire qu'on est en invalidité ou en chômage. Si on affine la marge, là c'est l'INSEE, si on veut faire plus fin, donc, les 60-64 ans de classe d'âge, c'est le plus directement atteinte par le recul de la retraite, évidemment, il est au mieux de 35%. Au mieux de 35%, dit l'INSEE. Donc je vous laisse conclure, les gens au chômage dans cette tranche d'âge vont devoir encore travailler, encore attendre un peu pour leur retraite. Et en comptant que ceux qui se maintiendront au travail partiront en plus mal en point, leur espérance de vie va se rétrécir. Il est clair que les retraités vivront de plus en plus mal avec les prévisions Macron, les prévisions du gouvernement actuel, après une période qui leur a été plus favorable. Mais elle était plus favorable parce que, effectivement, les retraites que Bernard Friot appelle joliment les salaires continués, étaient fixés sur l'augmentation. L'augmentation des retraites était fixée sur l'augmentation des salaires. Maintenant, étant fixée sur l'augmentation des prix, les gens perdent de l'argent, évidemment, pendant leur retraite. Voilà. Ce qu'on peut relever aussi, c'est la fameuse annonce de la retraite minimale à 1000 euros, qui était annoncée à 1000 euros en 2019, qui est passée à 1100 euros. On voit déjà que le fait qu'elle ne soit pas indexée sur l'inflation, que 1000 euros soit une valeur faciale qui est fixée, ça pose déjà problème au gouvernement parce qu'avec l'inflation, ils sont déjà obligés de mettre à jour leur annonce. Et il faut rappeler que c'est un minimum de retraite qui ne s'appliquera qu'à des personnes qui arrivent à valider tout leur trimestre. Et exactement, donc quand on parle d'un taux de chômage élevé des personnes qui sont dans la tranche des 55-64 ans, on peut imaginer que ces personnes, s'ils n'ont pas tout leur trimestre, vont avoir une très très forte difficulté pour eux de valider tout leur trimestre manquant pour accéder à cette fameuse retraite proposée par Macron. Ou alors il faudra qu'ils travaillent jusqu'à 67 ans, où là c'est automatique. Voilà. 67 quand même. Bon, alors je vais terminer donc avec un mot, mais l'analyse de la pensée libérale macroniste pousserait au pessimisme, c'est ce que vous venez de dire. Au pessimisme de l'intelligence, pour reprendre Gramsci carrément, si elle n'avait pas l'optimisme de la volonté. La retraite à points, j'en ai pas parlé suffisamment, évidemment, mais n'est pas seulement le remplacement d'un système par un autre. Le but est de priver syndicats et patronats de la gestion paritaire de la protection sociale et du système de retraite. Mais le projet final, c'est d'étatiser, de donner la main à l'État sur l'ensemble des prestations sociales. Le quinquennat sera social ou ne sera pas. J'ai déjà lu ça quelque part. Ok. Annule le resto, ma jolie. Tout ça, c'est fini. Je vais te faire kiffer ce week-end, ma jolie. Dans mon 9 mètres carrés, je te fais des raviolis. J'ai plus de gaz, chez moi, c'est la bougie. Je cherche un pot de moutarde désespérément chez Aldi. Fini la fête, c'est Macron qui l'a dit. Ray-Ban sur la tête après 2 heures de jet-ski. Ça me laisse perplexe car quand je vois mes factures, faudrait que je disparaisse pour me serrer plus la ceinture. Voyager jusqu'à Aulnay-sous-Bois, le soir au Lidl, claquer son RSA. Fumer une grosse roulée sur le trottoir de chez moi. Faire le tour de l'Île-de-France dans un RERA. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Moi j'ai de la chance, j'avais pris un peu d'avance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Paraît qu'faut qu'on rentre dans la sobriété. J'ai dû louper un truc, moi je croyais déjà que j'y étais. Mais j'ai cru voir dans le ciel un jet privé. En pleine canicule, des terrains de golf arrosés. J'ai ma banquière, hôtel plus souvent que ma mère. On dirait un nudiste tellement que je suis à découvert. Je prends un yaourt, je suis calé au resto du cœur. Je retire 20 euros, ma carte reste dans le distributeur. Paraît qu'en France, c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. qu'a choisi le roi. Faire un guide Michelin des agences Pôle emploi. Être dans le rouge quand vient le 5 du mois. Je te paye l'apéro, j'espère t'aimes la Bavaria. Paraît qu'en France c'est la fin de l'abondance. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Découvre par chance, ça concerne une petite frange. C'est la ruinance, c'est la ruinance. Donc c'était la ruinance des Goguettes en trio, mais à quatre. On va reprendre avec René sur le sujet de l'assurance chômage et de la réforme notamment de 2019. Oui, la réforme donc prévue en 2019, qui s'est mise en place en 2021. Tout d'abord, pour rappel, l'allocation chômage n'est pas un secours payé par la collectivité aux chômeurs, mais un droit ouvert aux salariés une fois qu'ils ont mis une certaine somme au pot commun. Donc l'assurance chômage repose sur une logique à la fois de risque, de mutualisation, de contribution et de redistribution. Pour info, donc avant cette réforme, l'allocation médiane, c'est-à-dire la moitié, était de 950 euros. Donc la moitié des chômeurs touchaient plus et l'autre moitié moins. D'autre part, plus de la moitié des inscrits à Pôle emploi ne percevaient aucune indemnisation. Et ça s'est aggravé depuis, on doit être à plus de 60. Tiers, il était annoncé, deux tiers qui ne touchent pas de... Quasiment les deux tiers. l'organisme de gestion donc, est l'UNEDIC et ses ressources proviennent des cotisations employeurs prélevées sur le salaire brut, c'est-à-dire 4,05% du salaire brut, et de la CSG activité pour 1,47 points. Justement, cette dernière a remplacé au 1er janvier 2019 les cotisations salariées, sauf cas particuliers comme les intermittents du spectacle. Ce qui a eu pour effet d'écarter les principaux intéressés, les salariés, donc, des négociations. Désormais, seuls les employeurs et l'État, qui gèrent la CSG, ont leur mot à dire. On pourrait se poser la question de « est-ce que c'est normal ?» Ouais, une répartition des responsabilités, mais l'employé n'a plus voix alors qu'il continue de cotiser. Les principaux intéressés n'ont plus voix au chapitre, c'est un peu curieux. Et on peut signaler aussi que cette réforme de l'assurance chômage, donc, qui est devenue effective en octobre 1921, qui avait été retardée par la crise du Covid, est la première depuis 1982 à être décidée par l'État seul. Bon, je rappelle les mesures de cette réforme. La durée minimale d'activité requise pour être indemnisée est passée de 4 mois dans les 28 derniers mois à 6 mois dans les 24 derniers mois. Dans la même perspective de durcissement, on va dire, le seuil minimal de rechargement des droits est lui aussi porté à 6 mois. Autrement dit, la reprise d'un emploi d'une durée de moins de 6 mois durant la période de chômage ne permettra plus de prolonger la durée d'indemnisation, comme c'était le cas avant. La dégressivité pour les revenus supérieurs à 4 500 euros bruts mensuels a été mise en place. Et surtout, là, un nouveau mode de calcul des indemnités chômage qui pénalise les travailleurs précaires, notamment les contrats courts, les CDD, l'intérim, etc. C'est-à-dire que... pardon. Au lieu de prendre les salaires journaliers en référence... on multipliait les salaires perçus chaque jour par le nombre de jours du mois. On prend désormais le salaire mensuel uniquement pour les jours travaillés, c'est-à-dire qu'on décompte les jours sans salaire. Alors, on va prendre un exemple, ce sera plus explicite. Une personne qui a travaillé 10 journées pour 500 euros, soit 50 euros quotidien, était indemnisée sur la base des 50 euros multipliés par les 30 jours du mois. Donc, sa base fictive ou théorique d'indemnisation était de 1500 euros. Désormais, elle touche une allocation calculée à partir des 500 euros pour le mois entier, autrement dit divisé par 3. Alors je crois me souvenir que en général c'est 40% du. On touche 40% de ce. Je sais plus. Enfin. Oui, les conséquences, on les a vues notamment cet été avec une part des emplois saisonniers. Qui ont été difficiles à pourvoir, puisque les personnes savaient que s'investir dans un emploi saisonnier, plutôt que de chercher un CDD ou un CDI de plus longue durée, ça ne leur donnait plus la couverture qui existait précédemment. Et donc, du coup, c'était beaucoup moins intéressant pour une part de la population. Ça ne leur donnait plus droit au rechargement, puisque c'est moins de 6 mois. Et en plus, oui, si c'était... par exemple les vendanges, bon, on peut encore travailler un mois entier, mais... Ouais. C'est ça. Tout travail qui ne fait plus un mois a une base de rémunération beaucoup plus faible, en fait. Oui, c'est ça. Une base de calcul de l'assurance, oui. Dans mon exemple, il est divisé par 3. Donc, cette réforme qui visait à ponctionner 3,4 milliards d'euros sur les droits d'indemnisation des chômeurs, pour bien entendu des raisons d'économie, était-elle vraiment nécessaire? Ouh là là. Faut savoir qu'en 2019, les bilans comptables prévoyaient 2 milliards d'euros de déficit pour l'UNEDIC. Mais si l'on retient uniquement le rôle d'assurance de l'UNEDIC, c'est-à-dire l'indemnisation des chômeurs, l'UNEDIC était excédentaire d'un milliard. Car cette dernière est contrainte de verser 10% des cotisations recueillies à Pôle emploi pour les frais de fonctionnement. Ce qui représente plus de 3 milliards d'euros annuels. Alors d'où ce déficit? Et le fait, à signaler au passage, que les salariés financent deux fois plus Pôle emploi que l'État. Mesure d'autant plus discutable que l'ensemble des contributions des actifs suffit à couvrir l'ensemble des indemnités versées aux chômeurs. Le régime contributif fonctionne et se finance seul. En cessant d'imputer le financement de Pôle emploi à l'assurance chômage, il y aurait même assez de ressources pour verser une prime exceptionnelle de 150 euros à chacun des 6 millions d'inscrits. Je voulais embrayer sur les mesures qui ont été évoquées. Alors, elles ne sont pas annoncées. Il y a encore du flou sur la volonté du gouvernement. Mais on parlait c'est une mesure de deux économistes, d'indexer les niveaux d'assurance chômage à l'activité du pays. Oui. Les économistes, c'est Landé et Cahuc. Déjà célèbres quelques saloperies, notamment... dénoncer les gauchistes, les économistes gauchistes, ça c'est effrayant. C'était, oui. Et donc, tu disais toute la question, c'est l'intérêt de cette réforme. En plus, on peut imaginer que la situation économique du pays pourrait être difficile assez rapidement, donc même le sens même de cette mesure peut être questionné. Et surtout, la question, c'est qui décide de dire est-ce qu'il fait beau dehors aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire, quelles sont les clés de décision? Quels sont les critères pour dire est-ce que l'économie va mieux ou moins bien? Et c'est aussi quand on substitue une logique de marché, finalement, à une logique de droit. Oui, je rappelle quand même que l'indemnisation des chômeurs était avant tout un droit. Et une cotisation mutuelle, donc une assurance sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, le fait que ça fluctue, c'est pas seulement de savoir qui décide, mais quand. Parce que le moment où on décide et le moment où ça rentre en application, c'est quoi? Oui, il y a toujours un temps avant de savoir l'état du PIB du pays, il y a toujours ces délais-là, et il y a une temporalité qui est difficile à trouver, en fait. C'est une Oui. La poudre aux yeux, enfin, je ne sais pas bien comment il faut dire ça. Je vais... Alors, malheureusement, on n'aura pas Didier en ligne aujourd'hui. Le téléphone de Radio Campus n'est pas de notre côté aujourd'hui. Je pensais que c'était réparé, mais apparemment pas, effectivement. Bon. L'idée, c'était de revenir sur l'historique de la réduction du temps de travail. Alors, je n'ai pas mon anti-sèche sous la main. Je vais éviter de me lancer sans ligne de vie sur ce sujet-là. Mais le constat, pour le faire très rapidement, c'est que le XXe siècle a vu la baisse du temps de travail comme étant un grand sujet de gauche poussé dans la logique émancipatrice du travail. Et que récemment, on a un grignotage, on a un retour. On a le MEDEF qui a la même chanson depuis très longtemps contre les 35 heures, contre cette réduction du temps de travail. Et le gouvernement a mis en place le rachat, la possibilité de rachat des RTT, qui de facto est une incitation à l'augmentation du temps de travail, c'est-à-dire vous travaillez un volume d'heures excédant les 35 heures par semaine, en échange on vous donne des RTT, et plutôt que de prendre ces RTT comme un temps de repos, vous les faites payer en supplément. Donc derrière ça, on sait qu'il peut y avoir une logique de cliquer, et il peut y avoir une pente vers laquelle le gouvernement semblerait vouloir... Voilà, on initie une pente et on sait que derrière, le MEDEF, les organisations patronales vont vouloir pousser vers une remise en cause et un allongement de la durée du temps de travail. Du coup, à partir de ce constat et de cette historique, ce dont je voulais parler, c'est des contre-projets. C'est-à-dire, pourquoi on devrait continuer de faire baisser le temps de travail? Et un axe que je trouvais intéressant, c'était la réduction du temps de travail et l'écologie. Donc on sait, avec l'été qu'on a eu, que les effets du changement climatique, on commence à les sentir fortement, et même les effets de la raréfaction possible des énergies du pétrole. Moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, donc qui date de 2020, qui avait été organisée par Macron suite au grand débat avec les Gilets jaunes, avait, parmi ses 150 propositions, mis la proposition de réduire sur 10 ans le temps de travail hebdomadaire à 28 heures. Alors, cette mesure n'avait pas été retenue, finalement, donc il n'y a pas eu 150 propositions, mais 149. Et en fait, les scientifiques qui appuyaient la Convention citoyenne pour le climat n'avaient pas trouvé de preuves suffisamment tangibles. C'est-à-dire, on ne pouvait pas mettre de chiffres en face. On ne pouvait pas dire, bah, en baissant 28 heures, on va gagner X CO2. Et comme il n'y avait pas cette preuve-là, bah, ça a été très débattu et ça n'a pas été retenu. En fait, quand les scientifiques se penchent sur le sujet, on voit une corrélation, c'est-à-dire qu'on voit bien que les économies qui travaillent moins en termes d'heures de travail font moins de CO2. Par contre, après avoir fait la corrélation, il faut trouver la causalité. C'est quoi le lien? Comment ça marche? De quelle amplitude? Est-ce que c'est toujours vrai? Et cet élément-là, il est encore en travail. On n'a pas de preuves solides. Puis on le voit, en fait, la logique, ça marche dans les deux sens. Si j'ai plus de temps libre, je peux passer plus de temps dans les magasins. Je peux faire des activités de loisirs, par exemple, mais certaines activités de loisirs émettent du CO2. Oui, si je vais prendre mon week-end en avion, si je fais de la motocross, si je fais du jet-ski... Bon, je dis du jet-ski, c'est complètement par hasard, hein. Je fais référence à aucune personnalité politique connue, j'aurais pu parler des vacances à Ibiza, enfin bref. D'un autre côté, plus de temps libre, bah, c'est aussi une opportunité d'aller faire ses courses au marché plutôt qu'au supermarché, de faire certains déplacements à vélo plutôt qu'en voiture, parce que bah, j'ai le temps de le faire à vélo, alors qu'en voiture, c'était pour aller vite, c'est pour aller déposer les enfants à l'école, etc. Faire moins de trajets domicile-travail. Si on travaille 4 jours par semaine au lieu de 5, c'est 20% de CO2, de carburant en moins dans la voiture pour aller au travail. Un dernier petit exemple, c'est bah, j'ai le temps de réparer. Il y a quelque chose qui fonctionne plus chez moi, bah, je vais peut-être jeter et remplacer, alors que si j'ai plus de temps libre, je pourrais réparer. Justement, d'où l'obligation peut-être pour à faire aux fabricants de fabriquer des appareils facilement réparables. C'était déjà évoqué dans les années 70 dans Écologie et Politique. Oui, et on avance par là. Bah, c'est très intéressant ce que tu me donnes, parce qu'on a justement cette espèce de parallèle. Le temps libre nous donne le temps de faire des choses, et à côté, on peut avoir une législation qui évolue et qui s'assure que ce temps libre qu'on a, on peut en profiter pour faire moins de CO2. Donc si je reviens sur les activités de loisirs qui émettent potentiellement beaucoup de CO2, elles peuvent faire l'objet de disqualifications, de régulations, de taxations ou d'interdictions. Alors oui, je vais faire mon rabat-joie, je vais vous proposer de faire plutôt du kayak que du jet-ski, mais bon, s'il y a besoin de le rappeler, tout ce qui est décorrélé du pétrole, on peut toujours le faire même quand il n'y a plus de pétrole. S'il y a une pénurie de pétrole, je peux toujours prendre mon kayak, il n'y a pas de problème. Et d'un autre côté, si je dois mettre dans la balance le plaisir de certaines personnes à tourner la manette des gaz et le réchauffement climatique et ses conséquences, pour moi, le calcul est vite fait. Oui, mais la convention citoyenne que tu as évoquée n'est pas la seule à faire le lien entre baisse du temps de travail et baisse des émissions de CO2. Non, bien sûr. Alors, j'ai trouvé beaucoup d'exemples. Parmi ceux qui sont assez bien étayés, je peux citer le livret 32 heures de la CGT, publié en 2021, qui donne beaucoup d'arguments en faveur de la mesure. Il y a une partie consacrée à l'environnement et il y a tout un effet cascade. Par exemple, viser une semaine de 4 jours de travail à 32 heures permet de réduire le chômage et ainsi mieux répartir les salaires et donner des moyens à une plus grande part de la population d'investir pour des logements mieux isolés ou des moyens de transport plus efficace et donc qui consomme moins d'énergie fossile. Le livret insiste sur le besoin de coupler la baisse du temps de travail et un développement de moyens de transport à faible empreinte carbone, comme le train ou les transports en commun. Comme on a dit avant, c'est toujours une parallèle. On veut baisser le temps de travail pour donner plus de temps libre, mais il faut s'assurer qu'à côté, il y ait de quoi permettre aux gens d'émettre moins de CO2 sur leur temps libre. Un dernier argument que j'ai relevé, c'est la réduction du temps salarié, c'est donner plus de temps aux citoyens. Et donner plus de temps aux citoyens, c'est pour s'informer, se former. Et si on revient à la Convention citoyenne pour le climat, ce sont des personnes qui ont été tirées au hasard, à qui on a donné une formation sur les sujets du climat, et qui ont ensuite proposé des solutions radicales pour contrer le réchauffement climatique. Donc on pourrait avoir cet effet-là, où plus de temps libre, une semaine avec 3 jours de repos, ce serait une occasion pour les personnes de s'informer, de mieux comprendre les enjeux politiques et climatiques, et de soutenir des actions plus radicales. Sur les publications d'attaque, j'ai trouvé une publication de Jean-Marie Haribé dans Ligne d'attaque de septembre 2020 qui propose un modèle pour étudier l'impact de la baisse du temps de travail à salaire constant et sur la baisse du chômage et la répartition des salaires, avec en fond qu'est-ce que ça permet en termes d'évolution sociétale et d'effet de CO2. Alors, c'est pas très radiophonique, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de tableaux, donc je vous invite à le lire, c'est disponible sur le site france.attaque.org. C'est très étayé, très intéressant. Et s'il n'y a pas un lien entre la baisse du temps de travail, il n'y a pas un lien entre la baisse du temps de travail et l'automatisation, la délocalisation, le numérique, des pratiques qui finalement sont assez peu écologiques dans l'absolu. Si, alors je ne vais pas avancer très largement sur ce sujet, on pourrait faire une émission entière, mais il est évident qu'une part des transformations du travail ces dernières décennies ont permis une baisse de l'intervention humaine dans les économies d'Europe de l'Ouest. Moins d'usines, plus d'automatisation, moins de papiers à traiter, donc moins de personnes dans les administrations, etc. etc. Mais on sait aussi que cette baisse de la masse du travail sur certaines tâches a concentré la création de valeur dans les mains et dans les poches de quelques-uns. D'ailleurs, on peut aussi voir les défenseurs de la baisse du temps de travail qui vantent un fort technosolutionnisme. C'est normal de baisser le temps de travail car l'automatisation, les robots, l'IA vont travailler à notre place. Sauf qu'il est évident que dans un système capitaliste où la redistribution recule, comme celui de la majorité des pays développés, une telle logique mènerait à des inégalités colossales. On revient sur l'exemple du COR qui dit « si on continue de supprimer des emplois de fonctionnaires, il n'y aura plus assez de cotisations pour soutenir les retraites ». Bah là, c'est pareil, si on baisse le temps de travail et qu'on baisse les rémunérations parce que les machines vont travailler à notre place, si personne ne redistribue cette valeur créée par les machines, notre système social ne fonctionne plus. Il n'était pas question d'une taxe sur les robots, en fait, à un moment, pour compenser cette... Benoît Hamon, en effet. Oui. Benoît Hamon, ça date du quinquennat Hollande. J'avoue, oui. Je ne sais pas où ça en est resté. C'était plutôt l'Union européenne, de mémoire. Donc pour en revenir, on sait aussi que le technosolutionnisme est assez peu compatible avec la lutte contre le changement climatique et les émissions de CO2. Il faut être honnête, si on met des robots partout, des usines surautomatisées et de l'IA partout, les émissions de CO2 risquent beaucoup plus d'augmenter que de baisser. Par contre, si on part de l'autre côté sur de l'écologie, de la baisse des émissions et l'adaptation de nos sociétés au réchauffement climatique, on sent qu'on va avoir besoin de plus de travail pour l'isolation des bâtiments. On sait que c'est un sujet qui avance très doucement, alors que le gouvernement va y mettre beaucoup d'argent dessus, mais derrière l'argent, il faut que les gens aient les moyens d'activer ces chantiers, qui sont parfois très très onéreux. Il y a la mobilité douce pour relocaliser les productions. On voit progressivement une production, par exemple, de vélos en France, qui est de plus en plus importante, et je pense qu'elle est plus... comment dire, plus logique que de vouloir remettre des usines de voitures en France. Et donc ça permet aussi de repenser un peu notre rapport à la mobilité. Mais aussi, le fait de se passer de pétrole et de certains intrants issus de l'industrie pétrochimique pour l'agriculture, ça signifie faire beaucoup de choses à la main et donc repenser complètement l'agriculture autour de ça. Pour résumer, le lien entre la baisse du temps de travail et la baisse des émissions de CO2 n'est pas automatique. Si on donne plus de temps libre à salaire égal, il est incertain que l'effet aille vers une réduction des émissions. D'un autre côté, cette évolution du temps de travail est une clé pour mieux répartir les richesses, donner du temps aux citoyens et permettre des alternatives au modèle dominant. On va continuer avec la discussion sur une alternative pour l'assurance chômage. À la place de ce que veut mettre en place le gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer et qu'est-ce qui serait plus sain ? Oui, eh bien, j'ai simplement énuméré, enfin, je vais simplement énumérer des alternatives possibles. J'irai en premier lieu, il faudrait peut-être changer la perception actuelle que l'on a du chômeur, qu'on a beaucoup stigmatisé, comme Macron avec sa petite phrase « il suffit de traverser la rue », façon de dire « oui, mais vous faites pas vraiment d'efforts pour trouver du travail ». Revenir peut-être à cette idée que finalement le chômeur est victime de la conjoncture économique et qu'il a droit, parce que c'est un droit, à l'indemnisation. Il y a le terme « privé d'emploi » qui est... Privée a droit à indemnisation. Non, dans le sens privé d'emploi plutôt que chômeur. C'est-à-dire, personne a l'intention de travailler, mais elle n'en a pas la possibilité à cause du marché du travail. Voilà, oui. On avait évoqué, je crois, dans le temps, la sécurité sociale professionnelle qui permettait, en cas de perte d'emploi, de se recycler dans d'autres secteurs, en suivant des formations. Et enfin, d'autres solutions, qui sont peut-être plus lointaines dans le contexte actuel, comme le salaire à vie du réseau salariat ou le revenu de base, qui permettrait au moins aux chômeurs d'avoir un revenu leur assurant le minimum pour vivre, quoi. Quoi qu'il y a le RSA, mais bon... Là aussi, C'est pas le même principe. Et qui permet, dans l'idée aussi, d'opposer à l'employeur un rapport de force complètement différent. Puisque le principe des emplois précaires, c'est de faire travailler des personnes pour qui le travail est une nécessité de survie, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Voilà. Si peut-être avez-vous. Si vous avez d'autres idées sur cette question ? Non, sur ce point, non. Non. Mais, après le pessimisme de la réalité, merci d'avoir rétabli les choses et de nous donner des solutions un peu plus optimistes et un peu plus joyeuses pour l'avenir. On peut passer... Alors, on n'a pas d'actualité formelle d'attaque ce mois-ci. Christian, tu voulais nous parler de... Oui, je voulais vous dire un truc qui me chiffonne en tant que Lillois. La pièce de théâtre, je peux dire comme ça, se joue au Conseil métropolitain du 7 octobre, où, Roger Vico, ancien maire de l'Homme, toujours présent pour l'instant, déclare qu'il est contre l'extension de l'aéroport. Alors que Lamel, évidemment, est partie prenante complètement. Mais surtout, le point qui chagrine, c'est c'est Martine Aubry qui déclare « Moi, je ne paierai pas la fosse de plongée des 42 mètres, la plus grande d'Europe, plus profonde d'Europe, etc. » Stupeur de tout le monde, voilà. Et c'est pas fini sur les coups de théâtre supplémentaires, le président soi-même dit « Mais de toute façon, je n'ai pris aucun engagement » pour le centre aquatique. Là, je rappelle, c'est piscine olympique, piscine en plein air, piscine, voilà, 3 ou 4 piscines. Je demande à des gens qui sont conseil métropolitain. L'un avait vérifié l'information depuis belle lurette. Il confirme qu'il n'y a aucun engagement financier de la MEL sur cet aspect-là. Alors qu'on nous a gavé pendant des semaines de cette nouvelle piscine, de ce nouveau truc qui allait faire rayonner la métropole, etc. Bon. Mais il n'y avait pas eu un appel d'offres auprès d'entreprises ? Alors, il y a eu complètement, alors tu as tout à fait raison René, il y a eu tout à fait un appel d'offres dans les normes, dans les règles de l'art. Il y a une entreprise qui a été choisie dans les mêmes règles, mais on s'est arrêté là. Sauf que puisqu'il s'agit de l'entreprise dont le nom m'échappe à l'instant. Rabot du Tilleul. Sauf que pendant le temps d'arrêt qui a été mis sur les travaux, Martine Aubry continuait de travailler avec Rabot du Tilleul. Elle tient toujours à ses 2400 logements. Ça, je crois qu'on ne peut pas le faire. Les îlots nordiques. Alors, c'est pas fini. Le coup de théâtre continue. Le président de la MEL déclare qu'il manque 3 à 5 piscines sur le territoire de la métropole. Alors là, je t'en doute. Est-ce qu'elles sont toutes à Lille ? C'est 3 ou 4 piscines qui manquent ? Pas possible, ça semble pas raisonnable. Donc, on est en train d'abandonner peut-être le projet mirifique de ce Disneyland de la flotte. Et très astucieusement, ça c'était le samedi, le dimanche, La Voix du Nord publie une carte de la métropole en montrant où sont les piscines, où il y avait celles qui sont en mauvais état, celles qui sont très bien entretenues, etc. Donc, moi, je n'ai pas à en dire plus, parce que ce qui semble, pour nous, les Lillois, des choses qui sont complètement incohérentes, moi, je me souviens d'avoir vu des maquettes de ces piscines dans la presse métropolitaine. Mais ce qui me réjouit, c'est pour nos copains de parc, qui sont en train de fourbir leurs armes devant ces incohérences de la politique de la MEL, qui semble vraiment se foutre du monde, j'ai l'impression, des choses qui sont décidées, qui ne sont pas décidées, on ne sait plus à quoi s'en tenir, et ça, c'est pas très bon, mais c'est très bon pour les opposants. Mmh. Oui, parce que le projet était inclus dans le projet municipal de Martine Aubry. Donc c'est tout de même un revirement par rapport à la campagne municipale. Ça c'est absolument vrai. En même temps, on peut pas dire que Parc n'a pas tort. Enfin, ce projet mirifique, juste après la canicule monstrueuse de cette année, le manque d'eau. Je crois qu'on avait repéré que l'eau qui servait à la piscine, c'était pour une ville de 1500 habitants. Quoi. Voilà. Moi, je veux bien qu'il y ait une piscine, mais il faut savoir raison garder sur ces trucs-là, parce que ça a une taille monstrueuse. Et puis l'intérêt. En revanche, dans les arguments, j'oublie celui-là. Il faut que nos enfants apprennent à nager. Bah oui, mais pas ici, seulement à Lille, en fait. Il faut qu'ils apprennent à nager dans les cinq coins de la métropole. Donc, qu'il y ait plus de piscines, moi, ça me choque pas. Mais c'est des piscines avec des bassins de 25 mètres. Je rappelle quand même que on avait écrit dans l'enquête publique, on était parti d'une piscine à 35 millions qui est devenue une piscine à 50 millions et qui a fini à 78 millions et qui est revenu à 65 pour l'instant. Bon, qui fait quoi, qui compte quoi, enfin voilà, on est dans des situations qui sont complètement intolérables pour les électeurs. Martine Aubry devra le savoir, c'est pas une femme idiote sur le plan politique, hein. C'est quand même très troublant cette histoire. Et j'ajouterais qu'on a besoin aussi, on l'a vu avec la canicule justement, qu'on a besoin d'îlots de fraîcheur dans les grandes villes et qu'un parc, un espace vert d'une vingtaine d'hectares serait le bienvenu justement là, à la place de la friche. Voilà. C'est le bon sens de René, mais le bon sens tout court en fait. Merci. On te passe la parole, Florent. Oui, pour l'agenda militant. Donc, Pour commencer, une rencontre organisée par les Amis du Monde Diplomatique avec Gilles Balbastre autour de son article « La mine d'or de l'e-santé » paru dans le Monde Diplomatique de juillet 2022. Donc, face à la fermeture des urgences à l'hôpital ou à la réduction de l'activité dans d'autres services, faute de personnel, le gouvernement Macron a trouvé la solution, les cabines médicales connectées. Téléconsultation, suivi de données à distance aux bénéfices sanitaires incertains. Enquête sur le nouvel Eldorado de l'e-santé dans lequel le monde de la finance s'est engouffré. Donc, ça sera le lundi 17 octobre à 20h au café Les Sarrasins, rue des Sarrasins à Lille. Après la loi séparatisme, comment l'État s'attaque aux libertés associatives? Le contrat d'engagement républicain, CER, créé par cette loi, doit désormais être signé par toutes les associations demandant un financement ou un agrément au pouvoir public. Cette mesure apparaît comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des associations et des collectivités locales, incitant à la docilité et fait craindre le pire pour les libertés associatives. Donc discussion en présence de Julien Talpin, et avec une introduction d'Emmanuel Jordan-Chartier de la Ligue des droits de l'homme de Lille. Donc ça sera le mercredi 19 octobre à 18h30 à l'École supérieure de journalistes de Lille, 50 rue Gauthier de Châtillon à Lille. Ciné-débat, Maricela Escobedo, une tragédie en trois actes. Donc documentaire inspiré de crimes réels. Ce documentaire retrace la croisade d'une mère déterminée à faire incarcérer le meurtrier de sa fille après que la justice mexicaine a échoué à l'appréhender. On sera suivi d'une discussion avec le collectif Nustras Lucas et des activités des droits LGBT+. C'est le samedi 22 octobre à 19h au cinéma L'Univers, rue Georges 16 rue Georges Danton à Lille. Également au cinéma L'Univers, projection d'Animal de Cyril Dion, donc le jeudi 27 octobre à 18h. Donc c'est sur Bella et Villeurbanne qui ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6e extinction de masse des espèces. D'ici 50 ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter, mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème, notre relation au monde du vivant. Tout au long de cet extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est lui aussi un animal. Et pour terminer, un rendez-vous qui a lieu tous les derniers vendredis du mois à Lille, la Masse Critique ou Vélorussion. Donc la Masse Critique n'est pas une organisation proprement dite, mais elle est juste un rassemblement de cyclistes, skateurs, rouleurs, etc. qui, ayant atteint une masse critique, peuvent s'imposer à la circulation, comme ne pas le faire en usager isolé. Donc c'est à Lille, prochain rendez-vous, donc le 28 octobre à 19h, départ Grand Place. Mais il y a également la première révolution à Perranchy-Lomprey, première vélorution Perranchy-Lomprey-Lambersart, qui sera le 22 octobre, départ 10h, place du Général de Gaulle à Perranchy. Donc vous pouvez retrouver tous ces rendez-vous sur lille.demosphère.net. Merci Florent. Donc, je voudrais dire que la prochaine émission aura lieu le 29 octobre, donc c'est bien le cinquième samedi de ce mois, avec pour thème l'Amérique latine. Vous avez compris qu'il se passe des choses en Amérique latine, et ça forcément nous intéresse. On parle de la convention constituante au Chili, la Colombie et le Brésil. Ce sera la veille des élections, donc du deuxième tour des élections au Brésil. Et donc c'est très chaud. Voilà, ah oui. Donc notre émission. Alors j'espère que le problème de téléphone sera résolu, parce qu'on aura quelqu'un au téléphone. Ah oui, j'espère bien. Mais apparemment, il sera résolu la semaine qui vient. D'accord. ouf, parce que alors je n'ai pas retenu le nom de la personne qui devait intervenir. C'est quelqu'un qui écrit aussi dans le monde diplomatique. Donc voilà, c'est la prochaine émission. Par contre, le 19 novembre, on ne sait pas encore trop ce qu'on fera. C'est le troisième samedi du mois de novembre. Et donc on vous le dira au fur et à mesure. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez écouter nos émissions pendant 8 semaines sur Radio Campus, sur campuslille.com. Et que, ben, il faut que vous passiez un bon... Ah oui, si, si, il y a aussi Angledat à côté, qui est un peu plus compliqué, mais pour l'instant, c'est en travaux. On espère l'améliorer très vite. Et donc, passez un bon week-end, à dans 15 jours, avec, là, pour le coup, Didier, espérons qu'il sera rétabli, parce qu'il y a vraiment, on a beaucoup de conditions, Didier Ludovic, notamment à la manœuvre sur ces questions d'Amérique du Sud. Bon week-end, prenez soin de vous. Et vous pouvez retrouver à 14h l'émission du cinéma, l'émission du grand et petit écran qui s'appelle Cinéma, et, Cinéma m'était compté. Voilà, bon week-end. On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît. On n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus? J'ai pas décidé de travailler plus.